Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 80. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin le dimanche 27 mai 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es Paris-Roubaix. Tu es coup de fringale au sommet du Tourmalet. Tu es Robert Chapat. Tu es braquet 54-13. Tu es dopé à l'insu de ton plein gré. Et tu es aussi... Si un sport qui est dur, c'est le vélo. Hein. C'est dur, le vélo. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut être con pour faire ça comme sport. Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es coureur cycliste et tu as la tête dans le guidon. Alors, ce week-end, après le jeudi de l'Ascension, les chrétiens célèbrent la Pentecôte. Une occasion en or, bien sûr, pour parler des coureurs cyclistes. Ainsi, à l'heure où l'Esprit-Saint descend sur les apôtres du Christ, la panique au Mangin Palace, elle, a donc décidé ce matin, pendant 53 minutes, de s'intéresser au corps saint des amoureux de la petite reine. Une course contre la montre pour te raconter une petite histoire illustrée, celle du vélocipède. Et pour commencer, des pionniers de l'Alpe d'Huez à l'androïde de Lance Armstrong, il faut te retracer la grande épopée des forcenés du Tour de France. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de mettre en valeur les grandes étapes d'une compétition pour un coureur cycliste. On enchaînera d'ailleurs par une petite merveille de la troupe des Deschiens qui viendront nous prouver que certains champions mythiques du vélo provoquent parfois une ferveur populaire extraordinaire. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons que notre nouveau gouvernement nourrit le secret espoir de participer au prochain Tour de France, puisque cette année, c'est comme ça, Nicolas Sarkozy a décidé de tout gagner. Et enfin, te raconter la préparation physique du Jean-Claude au Grand Dam de Monique après qu'il se soit inscrit au critérium de cycliste amateur organisé par son patron hier après-midi. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et pédale en danseuse. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Touch this. Yeah, that's how we living and you know. Can't touch this. Look in my eyes, man. Can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Can't touch this. Fresh new kicks and bands. You got it like that. Now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fight going and catch this beat while it's rolling. Hold on. Pump a little bit and let the noise go on like that. Like that. Pull a little bit, just don't fall on back. Let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, I'm a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That word, because you know. You can't touch this. Can't touch this. Break it down. Y You Can't Touch This, c'est ce que chante en 1990 le rappeur américain MC Hammer. You Can't Touch This, autrement dit, tu ne peux pas toucher à ça, c'est ce qu'ordonne l'Union Cycliste Internationale à propos de l'EPO. Mais ce n'est sans doute pas le cri que lance Armstrong au candidat de la victoire du Tour de France. Alors, de bon matin, la panique en direct du Mangin Palace a donc décidé de partir sur les chemins à bicyclette. Et pour nous mettre en selle, nous allons tout de suite faire étape au sein de la plus grande compétition cycliste mondiale, à savoir bien sûr le Tour de France. À la toute fin du 19e siècle, c'est le journal Le Vélo qui domine la toute jeune presse sportive. Mais les prises de position de son directeur, M. Pierre Giffard, en faveur du capitaine Dreyfus, lui valent la haine d'une partie des actionnaires qui, du coup, décident alors de fonder un journal concurrent, l'Auto-Vélo, dont la direction est confiée à un ancien cycliste, Henri Desgranges. La concurrence est féroce entre les deux quotidiens qui tentent par tous les moyens de se démarquer l'un de l'autre. Ainsi, le Vélo de Pierre Giffard est publié, lui, sur du papier vert, tandis que l'Auto-Vélo d'Henri Desgranges est imprimé, lui, sur du papier jaune. L'idée de génie vient de Desgranges. En 1903, il organise une compétition cycliste dans toute la France, dont le leader porte à partir de 1919 un maillot à la couleur du journal, le jaune donc. Le départ du premier Tour de France a lieu en juillet 1903. 60 partants donc le 1er juillet 1903. Le départ est prévu à Villeneuve-Saint-Georges, route de Montgeron, mais la foule n'est pas au rendez-vous. Émile Sourdi, rédacteur du journal Le Journal, avoue n'y être allé que par curiosité. Je me souviens, c'était un mercredi, 1er juillet, il faisait très très chaud. Et en demi-heure, je dis, mais c'est aujourd'hui le Tour de France. Le départ à Montgeron, si on y allait des Henri. Je me souviens que le long de la route, nous n'avons pas rencontré beaucoup de monde. Pas 20 cyclistes qui s'y rendaient. Ça n'avait pas soulevé l'enthousiasme du tout. Du tout. Le premier Tour de France s'élance donc de Montgeron le 1er juillet 1903. C'est là que commence l'épopée qui vaut au journal L'Auto-Vélo, devenu L'Auto et aujourd'hui L'Équipe, la consécration. Henri Desgranges reste l'organisateur du Tour jusqu'en 1936 et il impose un règlement des plus sévères. Par exemple, les coureurs n'ont droit à aucune aide extérieure. Ainsi, quand en 1913, Eugène Christophe, un des favoris du Tour, casse son vélo, eh bien, il doit le réparer seul, dans une forge, avec les moyens du bord. Je vais vous embidouiller, moi, des vélos cross sans selle, vraiment tape-cul. Avec deux couvercles de bidon de dioxine pour les roues et un os de gigot pour le guidon. On dit que la route est belle, elle est longue surtout. Et le derrière sur la selle, on n'en voit jamais le bout. Quand il n'y a pas de poussière, ça veut dire qu'il y a de la boue. Et quand il n'y a pas d'ornière, ça veut dire qu'il y a des trous. Mais ça ne fait rien, nous l'aimons bien, cette sacrée route. Craignons l'un chien, il y a des cailloux sur toutes les routes. Sur toutes les routes, il y a du chagrin. Mais pour guérir le moral en déroute, il y a des filles sur tous les chemins. Il y a des filles sur tous les chemins car le Tour de France connaît un véritable succès populaire et attire une foule considérable, comme en 1934 par exemple. C'est devant une foule considérable et dans un enthousiasme indescriptible tel qu'on n'en avait pas vu depuis le défilé de l'armistice de 1919 que M. Henri Desgranges, debout dans son Hotchkiss, tel César, impérator sur son char, a donné le jeudi 3 juillet à 8h du matin le départ du Tour de France 1934. Les 60 coureurs répartis en 5 équipes nationales et 21 individuels ont remonté, sous les acclamations du public, les Champs-Élysées avant de se rendre au Vésinet où a eu lieu le départ réel de l'étape qui les mènera à Lille. L'équipe de France, derrière son capitaine Charles Pélissier, a été particulièrement applaudie, sous l'œil un peu mélancolique du populaire Dédé Leduc, en casquette torpedo, écarté de la sélection pour une histoire de gros sous. Gageons cependant que les Speicher, la Pébille et autres Antonin Magne sauront nous faire vibrer et se montreront dignes des trois couleurs de la France qu'ils arborent sur leurs maillots. Étape après étape se construit ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la légende du Tour. Les anecdotes s'accumulent et l'admiration est forte pour ces héros modernes qui associent l'effort à l'esprit de sacrifice. Ainsi, en 1934, le tout jeune René Vietto fait demi-tour en pleine course pour aller offrir sa roue au leader de son équipe, Antonin Magne. Et oui, le Tour de France est fait d'abnégation, d'esprit de compétition, mais aussi d'exploits légendaires. Car ne serait-ce que pour gagner une étape du Tour, il faut être un champion d'exception, comme en 1986. Giscard, vainqueur de la 21e étape du Tour de France cycliste, dont l'arrivée était jugée tout près de chez lui, au sommet du Puy-de-Dôme. Étape de cohabitation, car Giscard et Rocard avaient décidé tous deux de la suivre, le premier sur une moto et le second à bord d'une voiture. Au sprint, donc, facile victoire du régional, l'ancien président Giscard d'Estaing, qui en plus a gratifié Jacques Chancel d'une très fine, vraiment très fine plaisanterie, que voici, que voilà. On peut faire une astuce de Roré en coin là-dessus. Alors, ah, vous avez été très bien, Roré en coin. Hein. Ça, je sais pas si j'étais bien, c'est pas vous. Vous ne savez pas que vous aviez cet humour. Mais, ben, vous savez ce que ça veut dire, les modes? Non, vous allez me le dire. Non, mais les bonnes, ça veut dire citron. Oui, alors vous comprenez pourquoi il gagne les courses, c'est parce qu'il est pressé. Voilà, c'est ainsi que le maillot jaune du rire a été décerné à l'ancien président Giscard d'Estaing avec les compliments du jury et l'amical souvenir de l'oreille en coin dimanche matin. Lemon pressé. C'est sûr que la VGE a aussi mérité l'amical salut de la panique du dimanche matin. Enfin, petit le salut, hein. Pourtant, à partir des années 90, le Tour ne fait plus rire et surtout beaucoup moins rêvé quand éclate enfin des affaires de dopage, dont la plus retentissante fut sans doute le scandale Festina, au centre duquel se trouve... Richard Virenque vient de s'échapper du groupe Eto. Alors ça nous fait plaisir, hein. Richard qui revient dans la course. Ah oui, il l'avait dit, hein, qu'il voulait faire quelque chose aujourd'hui. Il l'avait dit, hein. Il voulait réussir un coup. Oui. Ah oui, dis donc, il fait quelque c'est chose. C'est tout Richard, hein, ça. Quelle course, vraiment. Il est même en train de tracter une Caravelle 5 places, double essieu central, cuisine intégrée, petite douchette à l'arrière et auvent télescopique. Et dire, Bernard, que ce matin, il avait 42 de fièvre, une sciatique et une pneumonie. Et pourtant, il est là, Richard. C'est sûr, hein, il y a que dans le sport, hein, qu'on voit ça, des émotions pareilles. Il n'y a que dans le sport que l'on voit ça, car c'est évident, le dopage est lié à la compétition. Et oui, tu n'as pas besoin de te doper quand tu pars faire une balade de bon matin sur les chemins, à bicyclette bien sûr. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains, il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins, à bicyclette. La bicyclette, chanson patrimoniale, interprétée bien sûr par Yves Montand en 1968. Année magique où Raymond Poulidor gagna enfin le Tour de France. Mais non, je déconne là. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire de la grande épopée du Tour de France, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes au moment fort que vit le coureur cycliste lors d'une compétition sur route. Oui, mon ami, connais-tu les souffrances et les joies que rencontre le cycliste professionnel lorsqu'il enfourche son vélocipède? Eh bien, comme le disait Antoine Blondin, le champion cycliste, c'est un homme qui a décidé de reculer les murs de sa propre prison. Car vois-tu, lorsque tu choisis d'embrasser la carrière de cycliste professionnel, en réalité, tu choisis de devenir un forçat des temps modernes. Sur ta bécane, tu repousses sans cesse tes limites. Sous une pluie torrentielle, tu affrontes les pavés entre Paris et Roubaix. Sous un soleil de plomb, tu souffres le martyre dans l'ascension du Mont Ventoux. Cela dit, faire du vélo, c'est également vivre des émotions exceptionnelles. Tiens, s'entraîner le dimanche matin, par exemple, sur cette merveilleuse piste cyclable qui longe l'hippodrome de Longchamp, eh bien, c'est parfois l'occasion d'aller bouffer du bitume avec Michel Drucker et Nicolas Sarkozy. Et ça, c'est chouette. Encore que, faut faire gaffe, car figure-toi qu'il y en a un des deux qui est moins véloce que l'autre. Politique intérieure, avec les vacances très actives de Nicolas Sarkozy, le ministre de l'économie qui se trouve en ce moment à Arcachon. Et durant ses vacances, Nicolas Sarkozy s'accorde quand même aussi de vrais moments de détente sportive. Il fait du vélo et il se trouve que tout récemment, ça s'est plutôt mal passé parce qu'il a fait une chute, mais enfin, sans gravité. Les paumes incrustées de gravier, ça fait mal et puis ça pique. C'est surtout vexant de tomber en public. Il va pas remettre les petits trous, ça serait pire que tout. Nous avons mené l'enquête et il semble que le ministre de l'économie utilise un vélo un peu démodé avec un cale-pied à lanière, ce qui fait que quand on perd l'équilibre, eh bien on tombe brutalement. Hé, hey, t'as vu mes chausse-pieds? Avec ça, tu perds jamais les pédales. Et prends tout, c'est un truc à se casser la binette. Ah, les deux compères, complicité et joie de vivre sur la bicyclette. Il n'empêche que la chute de vélo peut être dramatique pour un coureur cycliste. Mais là, heureusement, quand il s'agit d'une course officielle, les services médicaux sont toujours impeccables. On pourrait vous parler du Tour de France pendant très longtemps. Nous allons cette fois-ci nous contenter de vous parler, tenez par exemple, du service médical. Le service médical est extrêmement étudié pendant la course, pour la course. Et nous avons en ce moment-ci à notre micro une charmante jeune femme blonde, l'une des 14 infirmières qui suivront la course et qui va nous parler de l'organisation de son travail. Dites, madame, quels sont les bobos les plus fréquents? Les furoncles. Il en vient partout. Rares sont les coureurs qui ne finissent le tour sans avoir eu au moins un beau furoncle. Et vous les soignez comment, ces furoncles? Par les remèdes anciens. Il est difficile d'administrer un antibiotique puissant à 7 heures du soir à un homme qui se remettra en selle le lendemain à 8 heures du matin. On dit que, voyant que c'est au séan, que les furoncles sont les plus fréquents. Chez les cyclistes, oui. Cela s'appelle, en termes de métier, un furoncle très mal placé. Ils doivent souffrir horriblement. La meilleure chose, c'est de mettre à même la fesse, sauf votre respect, oui, de la viande sûr. Crue qui fait matelas entre le furoncle et la selle. Du veau de préférence, surtout pas de mouton. Ah, et oui, monsieur Zitrone. Une simple escalope et ça repart. Car franchement, Léon, le champion cycliste peut-il être douillé? Et non, bien sûr, puisqu'il fait du judo douillé. Mais bon, c'est ça la vie du cycliste, une répétition d'efforts physiques violents. Tiens, sais-tu par exemple qu'après une redoutable étape de montagne, où il s'est tapé dans la même journée le col de l'Aubisque et le col du Tourmalet, il arrive que le soir même, le coureur cycliste enchaîne avec le col de l'Utérus. Et c'est comme ça que le cycliste décroche parfois le célèbre maillot à pois, celui du meilleur grimpeur. Par ailleurs, toujours dans le registre des trophées, il arrive également qu'une longue et courageuse échappée soit récompensée par une sublime victoire d'étape. Sport sur Antenne 2. Bonjour à tous. Merci d'être fidèles à Stade 2. Oui, en ce qui concerne le Tour de France, une bonne nouvelle. Je crois que Gérard Fagnon est toujours en tête. Oui. C'est bien cela ? Oui, oui, oui, tout à fait, Robert, tout à fait. Nous sommes actuellement à côté de Gérard Fagnon. Nous sommes à 5 km de l'arrivée. Et nous avons à nos côtés le jeune espoir Gérard Fagnon qui se trouve en tête de l'échappée. Un Gérard en est sa bonne forme puisqu'il se trouve toujours en tête. Il a le maillot jaune depuis deux étapes. Gérard, on t'adore, on t'aime. Gérard, bonjour. Bonjour. Peux-tu dire bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2, Gérard ? Bonjour à toute l'équipe d'Antenne 2. Gérard, nous sommes en direct, fais un petit effort, je t'entends pas très bien. Bonjour, toute l'équipe d'Antenne 2. Gérard, peux-tu te rapprocher, s'il te plaît ? Mais non, je peux pas, vous me faites peur, ma moyenne, poussez-vous. Ah là là là là, quel dommage. Gérard s'est littéralement gonflé dans le caniveau, je ne comprends pas. Je sais, c'est dommage. Comme disait Patrick Chêne, au public amassé le long des routes du Tour, il ne faut pas courir à côté des coureurs. Alors que les motos de France 2, elles, c'est différent, c'est pour l'amour du sport, merde. Enfin bref. Et puis, après toutes ces souffrances, à la force des tripes et du jarret, les cyclistes les plus robustes du Tour de France finissent par arriver sur les Champs-Élysées. Et là, comme ils se sont chargés comme des mules depuis trois semaines, quand ils arrivent à Paris, c'est vrai qu'ils sont toujours un peu surpris. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. À vélo, dans Paris, on dépasse les taxis. Alors, certes, les grands vainqueurs de la petite reine forcent toujours le respect sur les Champs-Élysées. Mais figure-toi que certaines défaites héroïques d'un champion cycliste, tel Raymond Poulidor, l'éternel second, provoquent également une ferveur populaire très particulière à l'univers du vélo. Pour en saisir les subtilités, le mieux, je crois, c'est de laisser maintenant la parole aux déchiens qui vont te démontrer que même un perdant de la bicyclette conserve toujours l'admiration du public. On découvre cela juste après le jingle. Ça me fait rire, ça me fait rire. Ça les amuse, ça les amuse. Et tu nous fais chialer, toi. C'est que tu nous fais chialer tout le temps. Je te signale que ton père te parle. Hein? Qui nous fait chialer tout le temps? Qui c'est quoi son... Yursenar, Adrien, c'est quoi ça? C'est quoi ton Adrien? C'est un empereur romain. Yursenar, c'est un empereur romain? Mais non, Adrien. Oui, bon dit, hein, ça va, hein. T'as qu'à répondre aussi. Hein, qui c'est qui a taillé la haie, là? Qui c'est qui a taillé? C'est ton Yursenar qui a taillé la haie? Bon, alors. Dis donc. Il en a combien des livres? Livres? Il n'a que ça, des livres. Partout, alors. Hein? J'ai acheté les mémoires de Poulidor, il a même pas lu. T'as même pas lu ce que t'as acheté ton père? Est-ce que tu as lu les mémoires de Poulidor? Non, c'est pas au programme à l'école. C'est pas au programme à l'école. Ça non plus, c'est pas au programme. Dis donc. Tiens, alors. Sans plus. Ah, mais dis donc. Alors, Poulidor, voilà un gars qui a commencé à 13 ans. Hein. Il a commencé à travailler à 13 ans. Bon, ben, tu écoutes quand on essaie de t'éduquer. Il a commencé à 13 ans. Son père, il a acheté un vélo. C'était son premier vélo, il le dit. Hein. Il faisait tous les jours 10 km pour aller au travail, 10 km pour revenir. C'est ça qui a donné l'idée. Hein. Et ben, il n'a pas arrêté de faire de la bicyclette. Hein. Et il est devenu un champion, un os du guide. Et ton Yursenar, il a gagné le Tour de France? Ben non, mais Poulidor non plus. Non. Yursenar, est-ce qu'il a gagné le Tour de France? Mais c'est une femme. Et Jeannie Longo, c'est pas une femme? Jeannie Longo, c'est pas une femme. Ah, il va me dire que Jeannie Longo, c'est pas une femme. C'est pas une femme, Jeannie Longo! Oh, putain! Dis, alors, il me fait chier jusqu'au mat, hein! Fait chier jusqu'au mat, ça, je... Ah, ça, il nous fera chier. On n'est pas sorti de l'auberge. Exploitation, mutilation, mutation. Past Time Paradise, c'est la reprise que nous offre sur son dernier album intitulé 12, la sprinteuse Patti Smith, une Janie Longo de la chanson venue tout droit des années 70 pour nous prouver qu'elle en a encore sous la pédale, dis donc. Alors, pour poursuivre notre échappée dans l'univers très particulier des courses cyclistes, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin, à 11h32, de faire une étape à l'Élysée. En effet, après avoir empoché la présidentielle et en pleine préparation des législatives, Nicolas Sarkozy a une nouvelle lubie. Il veut absolument remporter le Tour de France. D'ailleurs, il a expliqué les raisons de ce désir à son premier ministre, le jovial François Fignon. Pendant un mois, c'est fantastique. Tous nos soucis, nous oublions. Plus de discorde, plus de politique. Tous les Français vivent dans l'union. Qui enlèvera cette grande bataille? Est-ce Bobé ou Gémignani? Ou bien un autre où ils mettent de taille à succéder aux grands copies? Tour de France, Tour de France, randonnée fantastique des géants. Tour de France, Tour de France, tu passionnes tout à moi la nation. Et oui, pour réconcilier la nation et se faire enfin aimé de tout le monde, Nicolas Sarkozy a donc décidé de constituer une équipe cycliste pour remporter le Tour de France. C'est pourquoi, mercredi dernier, Nicolas Sarkozy a demandé à chacun des membres du gouvernement de se pointer au Conseil des ministres avec une bicyclette. En voyant l'engin qu'avait apporté Xavier Darcos, le ministre de l'Éducation nationale, président Sarko a tout de suite réagi. Vous allez nous faire le plaisir de prendre une autre route avec cet affreux machin. Machin, ça, machin, pour amuser, c'est un tri... C'est pas malin, ça, c'est un triporteur, ça, il y a pas, c'est bluff, là, dégage. Et où ça, triporteur? Trois roues, triporteur. Une roue, pas porteur, une deuxième roue, deux, et tri, vous voyez, ou tri, trois roues, triporteur, trois, je tri, mon porteur, tri, trois roues. Alors voilà. Allez, poussez-vous, dégagez-vous un peu là. Oula. Eh ben dites, vous faites votre poids comme la sardine. C'est lui. Bougez pas. Voilà. Et ça c'est porteur. Et où ça porte? Ça c'est le porteur. On porte les porteurs. C'est le modèle classique du genre. Ça a beau être le modèle classique, Nicolas Sarkozy, en directeur de course efficace, car il se lève tôt, vire immédiatement de l'équipe le triporteur et le ministre. Puis, après avoir inspecté l'équipement de chaque membre du gouvernement, Nicolas Sarkozy donne ses ultimes conseils. La force, le courage, la volonté, ça, c'est le vélo. Et si l'on conjugue effort et pureté, volonté et clarté, courage et netteté, on obtient vous. On obtient l'énergie. Je crois qu'on va se faire chier comme ça tous les jours, hein, à raconter tout le temps la même chose. Qu'est-ce qu'il avait besoin de gagner celle-là? Tu peux me le dire, toi? Déjà qu'il bloque toute la course, hein? Certains ministres ne semblent donc pas partager avec Nicolas Sarkozy le désir de remporter le Tour de France. Mais bon, c'est lui le chef, et quand le président Sarko lance le départ de la course, tout le monde pédale en direction du Bois de Boulogne. Est-ce que tout le monde est là? Ah non, il manque Xavier Bertrand, le ministre du Travail, qui arrive tout essoufflé dans la cour de l'Élysée. Oui, je sais, vous m'attendiez, mais j'ai fait la queue 3/4 à la cacaillerie du bazar. Puis, oui. Quand je suis sorti, on m'avait piqué mon vélo avec la chaîne. Alors bon, tant pis, je prends le métro. Panne d'électricité. Mais t'avais pas à prendre le métro, tu savais qu'on était pressé. Tu n'avais qu'à prendre un vélo-taxi, on t'aurait remboursé. Surtout que lui, on devrait le faire payer double tarif. Très drôle. Alors justement, c'est pour ça que je ne prends pas de vélo-taxi, parce que j'ai du respect humain, figure-toi. Oh, mais je disais ça pour rigoler. On semble à vous m'imaginer, moi, étalé comme un pacha, à me faire trimballer par un pauvre type en train de suer son EO sur sa bécane. C'est genre des vélo-taxi. Marion. Ouais, je sais, hein, les bons gros, ça fait rigoler, c'est marrant, c'est sympa les. Non, c'est sympa les bons gros, hein. Ben, c'est pas facile à vivre, figurez-vous. Puis je suis pas un bon gros, je suis un méchant gros, foutez-moi la paix. Allons. Maintenant que les ministres sont transformés en coureurs cyclistes, il est temps de partir. Président Sarkozy ouvre la route qui les conduit au Bois de Boulogne. Pendant qu'Alain Juppé tire la tronche, car il n'était jamais monté sur un vélo, et que Jean-Louis Borloo, lui, vit de gourde sur gourde, Roselyne Bachelot, elle, ne dissimule pas son plaisir. En chaussette écossaise, sur mon petit vélo, j'ai l'air d'aller aux fraises, mais je vais au boulot. Puisqu'on dit qu'on manque d'énergie, qu'il faut faire des économies, je ne prends plus mon auto, je prends mon vélo, c'est plus beau. La bicyclette, souvent c'est bon pour la santé. La vie, la bicyclette, souvent c'est bon pour les mollets. Baissez la tête et vous aurez l'air d'un coureur. La vie, la bicyclette, souvent c'est bon pour le bonheur. C'est peut-être bon pour les mollets, mais dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, Roselyne, tout comme Rachida Dati d'ailleurs, n'avance pas assez rapidement. Il faut qu'elle prenne de la vitesse et pour cela, président Sarko demande à ses ministres de se mettre en danseuse. Oui, maintenant, ça bouge, que tout le monde soit dans le groove, façon sexe. Oh, hey, je tout le monde dans ses fesses, les femmes oublient leur complexe, façon sexe. Oh, hey, yeah, yeah. Tout le monde bouge ses fesses donc pour faire plaisir à président Sarko. Sauf Bernard Kouchner, lui, a en effet posé son vélo sur sa béquille au bord de la route. Nicolas s'approche de lui et le questionne. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, j'en ai marre. Tu te dégonfles? Si vous voulez. Si tu n'avais pas le moral, il ne fallait pas partir. Maintenant c'est trop tard, tu es dans le vin, il faut y rester. Non, je ne remonterai pas, je rentre à Paris, je ne veux plus souffrir. Ne plus souffrir? Allez, reprends ton vélo et en route? Non. Comment? Tu me ferais ça à moi? Bougre, petit salaud! Après tout ce que j'ai fait pour toi? Oh, vous pouvez m'engueuler ou y aller en douceur, mais pour moi c'est le même tarif. Mais vous avez besoin de moi pour vos contrats. Je ne remonte pas. Ne fais pas ta vedette. Tu sais que tu es aimé de la foule. Eh bien, tu te dois à ton public, à ta réputation de champion. Oh, je vous le dis, c'est pas la peine d'insister. En ce moment, c'est pas à moi que vous pensez. Mais c'est à vos contrats de publicité. Et après, ne va pas gâcher ta carrière par un abandon injustifié. Ça, Nicolas, il l'a bien compris. Pour motiver Bernard Kouchner, il faut lui parler de sa carrière. Le ministre des Affaires étrangères, convaincu une fois de plus, enfourche donc son vélo et repart avec le reste du peloton ministériel. La petite équipe avance bon train, sauf Brice Hortefeux, le ministre de l'Identité nationale et des valeurs morales, qui lui semble peiné. Nicolas Sarkozy s'approche alors pour lui expliquer ce qui ne va pas dans son coup de pédale. J'ai le regret de vous apprendre que vous ne savez pas vous tenir à bicyclette. Non mais des fois. Et comme j'ai l'honneur de vous le dire, votre position est désastreuse. Bon, l'attaque du coup de pédale manque de punch. Hein? Baissez votre guidon de 18 cm. 18 cm? Levez la selle de 9. Il faut pas me parler quand on va me faire tromper. 9. Oui, mais je suis pas bien comme ça. C'est la position idéale des champions du cycle sur le plat. Hein? Ça m'étonne. Malgré son étonnement, Brice Hortefeux reprend la route, mais il chute quelques mètres plus loin. C'est à ce moment précis qu'est arrivé un véritable champion cycliste, tout habillé de lycra et perché sur un vélo en titane. Il s'agit du facteur Olivier Besancenot en train de faire sa tournée. Il s'adresse directement à président Sarkozy. La révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette, elle te permet d'aller 5 fois plus vite que le piéton. Tu dépenses 5 fois moins d'énergie et tu vas 5 fois plus loin. En vérité, je te le dis, camarade, La révolution passera par le vélo. La révolution passera par le vélo. Pour Nicolas Sarkozy, c'est une provocation et il décide de défier Olivier Besancenot dans une course contre la montre. Les deux compétiteurs se préparent activement. Besancenot, en professionnel du cycle, est rapidement prêt, ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy, et ce, malgré l'aide de Brice Hortefeux. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan? J'ai ma chaîne qui a sauté. Oh là là, donnez-moi ça. Je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes en potier, hein. Vas-y donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais prendre le vôtre. Allez. Mais dites-donc, ça fait deux fois que vous faites ça. Oui. Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo. Eh ben alors, c'est normal, non? Excusez-moi. Au fond, pourquoi c'est normal? Si c'est normal, c'est normal parce que... Oui, parce que je suis un manuel, sans doute. Eh ben parfaitement, voilà. Ah, très bien. Mais vous savez, c'est pas de votre faute, hein. C'est pas de faute. Ne croyez pas que ça va durer, hein, parce que j'en ai marre de voyager avec un mec comme vous. Je fous le camp. J'en ai marre. Ouais. Vous me laissez tomber, hein. Vous cherchez un prétexte et vous l'avez trouvé. Égoïste. Et tout ça, c'est à cause de vous. C'est donc avec le vélo de Brice Hortefeux que Nicolas Sarkozy affronte Olivier Besancenot. Au bord de la route, quatre grandes blondes encouragent Nicolas Sarkozy. Vas-y papa, t'as le bon braquet. Vas-y papa, chatouille les manivelles. Prouve que t'as pas les mollets en flanelle. Vas-y papa, ta course sera belle. Si tu as bon moral, tu vas faire un boulot sans égal. Malgré les encouragements de ses fils et de ses belles-filles, président Sarko est vite distancé par le jeune facteur révolutionnaire. Pourtant, l'ensemble du gouvernement encourage Nicolas Sarkozy comme s'il était, je ne sais pas moi, disons Bernard Hinault. Attention, le voilà, il arrive, il est là, les amis tous avec moi. Semblero, semblero, semblero, plus rapide que l'éclair, le premier tout en haut. Eh oui, pour ceux qui l'auraient oublié, le blaireau, c'était le surnom de Bernard Hinault. Nicolas Sarkozy décide alors d'oublier le Tour de France 2007, car apparemment il n'est pas fait pour la petite reine, ni pour la petite princesse d'ailleurs, mais plutôt pour la mère Cobenz. Petite princesse, sous ma beauté, ma promesse, ma petite faiblesse, ma plus belle histoire de fesses, pour la Mercedes, c'est de l'espoir que je caresse. Soviet suprême, toi mon plus beau problème, dans ton abdomen, tout nouveau spécimen, joue à la crème, c'est de l'espoir que je promène. Mon amour renaisse, le temps passe, mon amour renaisse, le temps passe, mon amour renaisse, le temps passe. C'est pas l'heure de la promesse, mais charmante hôtesse, qu'as-tu fait de ta jeunesse? Dans la mer Cobenz, c'est de l'espoir que je caresse. Petite connasse, pourquoi fais-tu ta radasse? Ta petite putasse qui montre rien en surface, qui veut qu'on l'embrasse encore, l'embrasse encore. Mon amour renaisse, le temps passe, mon amour renaisse. Dans la mère Cobenz, une nouvelle chanson de Benjamin Biolay sur son nouvel album intitulé Trash Yéyé. La mère Cobenz, une grosse berline allemande qui, sans carburant, n'avance plus, bien sûr. Un peu comme l'équipe cycliste de la Deutsche Telekom qui a avoué cette semaine s'être dopée à l'EPO comme des malades durant toutes les années 90. Arzo, Jan Ulrich, du hast gedopen ou c'est à l'insulin de ton plein gré tout? Ich verstehe nicht. Alors maintenant, pour prolonger notre course contre la montre, il est grand temps désormais, à 11h45, de rejoindre nos deux échappés, les déraillés que sont Monique et Jean-Claude. Avant tout, figure-toi que le patron du Jean-Claude est un ancien coureur cycliste professionnel et chaque année, durant le week-end de la Pentecôte, il organise un critérium de cyclistes amateurs. D'une part, en souvenir du bon vieux temps, mais surtout afin de promouvoir son entreprise dans la région. C'est ainsi qu'en début de semaine, Jean-Claude assistait à une réunion de travail pour faire le point justement sur l'organisation de cette course de vélo annuelle, la Marmotte. Et comme d'habitude, en fin de réunion, le patron n'a pas pu s'empêcher d'en faire des tartines sur son glorieux passé cycliste. Alors, on a dit oui, c'est les coureurs de salon, des trucs comme ça, que d'autres choses. Il y a eu quelques routiers qui sont venus se casser les dents dans les 6 jours. Hein. Robic, entre autres, qui avait déclaré à la presse que les pistards ne dormiraient pas. Et puis le troisième soir, il a attaqué au moment où tout était calme. Il a pris 2-3 tours, on était un peu surpris. Et puis après, on l'a mis à 15 tours dans la nuit parce qu'il nous faisait chier, quoi. Et puis il est rentré à la maison. Mais c'était dur, hein. C'était une course dure. On avait mal au cul, on roulait souvent le matin sur une cuisse. Jean-Claude est exaspéré. Voilà plus de 20 fois qu'il entend cette histoire de vieux con. Jean-Claude décide alors d'inventer un truc et raconte à son patron que lui aussi étant jeune, il n'était pas un branquignol du braquet et il a même remporté plusieurs trophées cyclistes. Immédiatement, le patron ne perd pas les pédales et réagit au propos du Jean-Claude. À propos de braquet, vous êtes inscrit pour la Marmotte ? Non ? Non mais dépêchez-vous mon vieux. Je vais vous dire la vérité, ça me fait peur. 3 cols de première catégorie dans la journée. Ah bah oui, mais moi aussi, il y a 20 ans, j'ai hésité, puis je l'ai faite, alors ne me décevez pas. Hein. C'est mon modèle, hein, et ça doit être le vôtre si vous voulez rester dans cette maison. Je m'inscris demain. Et voilà comment lundi dernier, Jean-Claude la grande gueule, qui n'est pas monté sur un vélo depuis 25 ans, s'est donc retrouvé inscrit au départ de la Marmotte, cette course cycliste organisée par son patron. Cela dit, très vite, dès mardi matin, les collègues du bureau, eux, étaient très heureux d'apprendre que Jean-Claude allait participer au critérium pour défendre leurs couleurs, bon sang. D'ailleurs, tout le monde lui a filé un coup de main. L'entreprise a payé les frais d'inscription pour la course, le dossard avec le nom de la boîte écrit en gros dessus, ça va être terrible. Bon. Et pour la tenue, ça fait pas un peu... Mais tu rigoles, dis donc, un ancien caleçon cycliste moulant près du corps gris-violet, on dirait du Gautier. Bon, d'accord, mais alors pour le vélo. Alors pour le vélo, Maëva a fait un geste formidable, elle a prêté le sien. Oh non, il est tout pourri le vélo de Maëva. Mais arrête, t'as qu'à enlever les 2 sacoches et le panier du chat pour l'aérodynamiste, ça va rouler tout seul. Ouais. Eh bah oui, bah il est pourri ce bon, vélo. Bon, dis donc, ça suffit, tout le monde se met en quatre pour toi, Jean-Claude. Alors on a fait un effort, toi aussi, tiens, Fred a pensé à toi en plus, regarde. Qu'est-ce que c'est de l'EPO ? Non, c'est mieux. Avec ça, elle danse dans les rêves pendant 48 heures sans s'essouffler. Tu peux faire le Tour de France sans escalade, ça. Ouais. Et tu vas l'épiler, hein ? Ouais. Ouais. L'épiler, hein ? Yes. Ouais. Jean-Claude tente de faire bonne figure, mais il sent bien que cette course cycliste s'annonce pour lui très difficile. C'est pourquoi, dès mardi soir, en toute discrétion, Jean-Claude est allé faire 15 bornes en vélo pour tester ses capacités physiques. Seulement voilà, en rentrant à la maison... Jean-Claude a bien senti qu'il y avait un problème. Quand je passe à bicyclette, les voisins qui sont moqueurs crient « Pépère, baisse ta grosse tête, tu auras l'air d'un coureur !» Me tamponnant les besicles de ces ragots critiqueurs, fier artabant sur mon cycle, je chante à ces crève-cœurs. Ça c'est champion, les rois de la petite reine. Je ne sais rien n'est que plus ultra, de plus bas, de plus extra, tout dans le guidon. Les rois de la petite reine, ces craques du vélocipède sont des dieux, je le concède, ce sont des lions. Les rois de la petite reine. Inquiète de voir son Jean-Claude aussi tracassé, Monique tente alors de comprendre pour quelles raisons stupides il s'est lancé dans ce critérium de cycliste amateur, là. Rien ne l'y obligeait, bon sang. Ce à quoi Jean-Claude lui répond que... Remporter le critérium, c'est pas rien, crois-moi, mais t'embrasser sur le podium. Là, c'est tout pour moi, je voudrais que tu vois comme j'en chie pour toi, pour 3 fleurs sur le podium. Un sage en bas, crois-moi. Monique n'en revient pas. Jean-Claude voudrait donc remporter ce critérium pour lui offrir les fleurs sur le podium. Elle est émue par le romantisme de son champion. Seulement voilà, lorsque Monique aperçoit le vélo sur lequel Jean-Claude doit courir, elle pouffe de rire. C'est une vieille bécane qui va lui ruiner les lombaires au bout de 10 kilomètres. Jean-Claude est furax et lui fait remarquer qu'elle n'y connaît vraiment rien. Je suis pas idiote tout de même. Qu'est-ce que tu connais au vélo ? Hein ? Moi ça fait 20 ans que je suis dans la partie. Alors s'il y a quelqu'un qui est qualifié pour savoir si oui ou non ce vélo va faire mal au dos, c'est moi, non ? Mais alors me pose pas la question. Je te pose pas la question. Je te pose pas la question. Je te montre, c'est tout. Oh là là. Ouais, c'est ça. C'est ça, voilà ta cuisine, c'est encore là que t'es le mieux. Monique, folle furieuse, claque la porte du salon et dit à Jean-Claude qu'il faudrait qu'il change de pignon à son propos. Pris de panique, notre Jean-Claude perçoit bien qu'il risque surtout de terminer sa course dans la voiture balai avant même d'avoir avalé ne serait-ce que 10 bornes. Trop la honte. C'est pourquoi, dès mercredi matin, Jean-Claude a enfourché son vélo pour aller repérer le parcours du critérium. Il était d'ailleurs encouragé par son collègue Christophe qui le suivait en bagnole. Hey, je te signale que même Merckx a jamais gagné cette course, hein. Forcément, il n'y a jamais participé. Allez, attaque, hein. Non, je ne peux pas la vie. Je suis pas Laurent. Eh hey, non, écoute, ça passera. Pense plutôt que tu as 20 minutes d'avance et que si tu veux pas te les faire bouffer, pour que tu conserves le rythme. Allez, attaque. Allez, continue. Mais plus gros. Ta gueule. Après 8 km sur les 130 que compte la course, Jean-Claude est au bord de la crise de nerfs, ses souffrances lombaires sont telles qu'il décide d'abandonner immédiatement son entraînement. Christophe, lui, son directeur sportif de pacotille, décide de ne pas lui cacher la réalité catastrophique de la situation. Tu tournes pas rond, t'as perdu les pédales, tu tournes pas rond, faudra changer de pignon, tu vois le peloton, comment que c'est qui se cavale, et toi t'es là, t'as les jambes en coton, faut prendre du fortifiant pour remonter le courant, ou bien faire mon petit pote, les championnats de pelote, tu tournes pas rond, t'as perdu les pédales, tu tournes pas rond, faudra changer de pignon. Mais bon, l'orgueil du Jean-Claude est tel face au défi que lui a imposé son patron qu'il est hors de question qu'il ne se présente pas sur la ligne de départ de cette compétition cycliste. Il continuera donc son entraînement tant bien que mal et quoi qu'il arrive, il se présentera samedi midi pour signer la feuille du commissaire de course. C'est ainsi qu'hier matin, à 11h30, vêtu d'un maillot fluo et d'un cycliste moulburn, Jean-Claude se pointe à la kermesse de ce critérium cycliste où son patron est en train de présenter les coureurs à la tribune. Très angoissé, Jean-Claude décide de passer par la buvette pour boire un coup, histoire de se détendre un peu. Il y retrouve d'ailleurs son ami Christophe. Les deux lascars picolent jusqu'à ce que Jean-Claude soit appelé sur la ligne de départ. Seulement voilà, visiblement, il y a un gros problème. Hey, tiens, mets mon casque. J'en veux pas ton casque, ça me fait une tête de cul ton casque. Oui, eh bien, bourré comme t'es, il vaut mieux avoir une tête de cul qu'une fracture du crâne. Hein. Voilà, allez, monte. On va y aller tout doucement, un touriste. Là, ça va, là? Ouais, ça irait pas. Elle est pas belle, la vie. Là, allez, où tu vas? C'est pas le chemin, là. Évidemment, cette course cycliste pour Jean-Claude fut un peu compliquée. D'ailleurs, quand hier soir, Monique a finalement cherché à en savoir plus, eh bien, Christophe lui a tout raconté. Alors, Jean-Claude, il était comment à la course? Ah ben, il a fait premier. Non, c'est pas vrai. Si, premier au contrôle antidopage, premier à être contrôlé positif. Non, non, les trucs là, c'était indétectable. Ah non, mais c'est pas ça, c'est le champagne de Gramut, ils lui ont pris dans le sang. Ils avaient jamais vu ça, ils ont fait une attestation pour le Guinness Book. Bah alors, il a pas couru? Si, mais il a chuté. Ah. Dans un virage, dans une descente. Non, au départ, il s'est coincé les pinceaux dans les cale-pieds et il est tombé comme une merde. Et vu l'état dans lequel il était, il s'est jamais relevé. C'était une belle course. T'aurais pu me prévenir. Ça va, Jean-Claude? Ça va. Ça va, tu parles. Pauvre Jean-Claude, il n'est pas prêt de remonter sur une bicyclette, celui-là. Honte et désolation. Mais bon, fin du critérium. Au final, quand il s'est couché hier soir près de Monique, Jean-Claude a constaté qu'il était surtout doué pour le tandem, alors que le pauvre vélo, là, c'est fini. Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ça y est, la relâche par terre. Je m'en doutais. Quand ça la prend, vous savez, elle peut pas résister à la position horizontale. Oh, regardez-la. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas. Elle est pas facile à manier, vous savez. Moi, j'ai l'habitude, ça va, mais c'est comme ma moto, quoi. Il faut la connaître. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, tendre Lola. Il est des mots tendres qu'elle aime entendre, venant de moi. Elle aime bien, par exemple, que je l'appelle mon petit lapin. L'autre jour, par inadvertance, je l'ai appelé mon lièvre. Ce fut néfaste. Je suis pas toujours à ce que je fais. Je suis étourdi. Ce que ça va rendre, ça va dépendre. Pauvre Lola. Ce que ça va rendre, ça va dépendre un peu de toi. Bon, remarquez que je m'en fais pas. Je sais que c'est tous les mercredis, après sa lessive. Parce que la lessive, c'est la fatigue. Hein, et tout le monde sait que la fatigue, c'est propice à tout ça. Hein. Alors, vous comprenez? Ça ne peut plus attendre, viens Alexandre, hein, tout près de moi. Déjà? Ça paraît te fendre là-bas, Alexandre. Mais... qu'est-ce que tu as? Oui, j'y repense, mais c'est pas aujourd'hui mercredi. Non, mais j'ai fait ma lessive, j'ai fait une autre lessive. Ah non, tu triches, tu fais la lessive deux fois par semaine maintenant. Mais c'est pour ton bonheur, Alexandre, écoute. Dorénavant, tu auras du bonheur tous les jours. Comment ça? J'ai acheté la blanchisserie d'en face, qu'est-ce que tu dis de ça? Hein? Ah bah, c'est du propre. Allez, viens, mon zanzi, viens, je vais te faire mousser, oh, viens. Oh non. Ne conteste pas. Oh là, je me sens déjà tout lessivé. Oh, écoutez-la. Vous savez, c'est pas rien. Pauvre Lola, un pastiche en tandem de 1970 avec Bourvil devant et Maillan derrière, un duo maillot jaune sur la plus haute marche du podium. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre course contre la montre dans l'univers du vélocipède. De Raymond Poulidor, le héros malchanceux, à Bernard Hinault, le blaireau teigneux, du braquet de Jean-Claude au gouvernement à vélo et de la petite reine à la grande boucle, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peuvent être les courses cyclistes. Pour finir, comme tu le sais, dans un peu plus d'un mois débutera la 94e édition du Tour de France, l'une des plus anciennes compétitions sportives modernes qui, cette année encore, devrait attirer des millions de spectateurs sur le bord des routes de France pour assister à ce spectacle populaire et surtout gratuit. Remarque, depuis quelques années, la bicyclette à la côte, surtout en milieu urbain. D'ailleurs, le week-end prochain, dans plus de 300 villes, ce sera la fête du vélo. Du coup, la bagnole reste au garage et pourquoi pas une habitude à conserver. Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. D'amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pétaler devant moi. C'était Georgius qui tournait à l'essence de jarret dès 1940, mais là, il n'avait guère le choix. Voilà, fin du 80e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était « C'est quoi la bicyclette de compète ?» revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure Total Footrack et archi loufoque bien sûr. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri-Marc Mutel. Merci aussi beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Serge Viguier et de Mathias Alléon. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Catherine Pinto et Flora Bernard. Merci Catherine. Merci aussi à Perrine Reversa, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ces idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain en direct à 11h sur France Inter. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Ça vous est venu comment, cette passion pour la bicyclette? Mon patron adore le vélo, alors je m'y suis mis pour un truc en commun avec lui. Ah, un petit coup de lèche, quoi. Hein. Tout à fait. Puis après, j'ai attrapé le virus et maintenant, je peux parler vélo pendant des heures.